Chapitre 5e. Madeleine parvint sans mal à trouver la maison de Marie Pouleuf, grâce à une bonne vieille qui balayait devant sa porte. Elle lui indiqua aussitôt celle de la jeune femme. « C'est la porte bleue, là-bas. Elle doit y être parce que son galant vient juste d'entrer dans la maison. » Madeleine frappa et attendit une minute. Elle entendit des pas et un jeune homme lui ouvrit la porte. Il était beau comme un ange et seule sa courte barbe empêchait de le confondre avec une jolie fille. Dès qu'il vit Madeleine, son teint se colora. Visiblement intimidé, il balbutia. « Vous voulez voir Marie ?»« Oui, si elle est là. »« Elle est là, mais elle ne va pas bien. Je ne sais pas ce qu'elle a, elle ne veut pas que je fasse venir un docteur. Je vais lui demander si elle veut vous parler. » Là-dessus, le jeune homme disparut. Visiblement, Madeleine avait produit sur lui beaucoup d'effets. Elle fut pourtant contrariée de ne pas avoir été directement introduite et en profita pour inspecter la rue. C'était une des plus étroites de la vieille ville, mais pourtant une des plus propres. Étant assez pentue, deux ou trois seaux d'eau suffisaient à la nettoyer. L'amoureux de Marie revint et fit entrer Madeleine. Elle constata que le jeune homme se troublait à nouveau. Il connaissait la patronne de Marie, car celle-ci la lui avait montrée de loin, mais jamais il n'aurait cru que cette femme était si grande et si belle. « Une vraie reine, » pensa-t-il. « Voilà, » fit-il en montrant Marie sur son lit. Il s'écarta pour livrer passage à Madeleine. À la vue de sa patronne, Marie s'agita et voulut se redresser. Madeleine prévint son geste et la força doucement à rester couchée. « Reposez-vous, ma fille, je ne veux pas vous créer de dérangement. » Appeler sa fille une personne qui n'a que 10 ans de moins faisait partie de ce ton protecteur et affectueux que les maîtresses de maison avaient pour leur servante. Madeleine toucha le front de Marie qui était visiblement très affolée. « Je pense qu'elle a un peu de fièvre. » Madeleine avisa une serviette qui séchait sur un fil à la fenêtre. Elle s'en saisit et alla la mouiller au robinet de la cuisine. Puis elle en tamponna le front et les tempes de Marie. « Qu'est-ce qui vous arrive, Marie? C'est la première fois que je vous vois ainsi. Vous avez mal quelque part? » « Non, madame, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Quelquefois, je tremble. » Mais je sais que ça va me passer. Vous ne seriez pas enceinte par hasard? Demanda Madeleine à voix basse. Oh non, madame, ça ne se peut pas. Cyprien, c'était son nom, jugea bon d'intervenir. Je l'ai trouvé dans cet état-là ce matin. Ça l'a prise dans la nuit. Son regard était tout énamouré devant les visages de ces deux jolies femmes. Celui de Marie, beau malgré les larmes qui vernissaient ses joues, et celui de Madeleine, plein de bienveillance et de gravité, ses longs cils penchés sur Marie. Ébéniste de son métier, il se dit qu'il devrait s'exercer à la sculpture pour immortaliser ses belles expressions. « Ne vous inquiétez pas, madame Morel, je vais déjà mieux. Il faut simplement que je me calme. » « Qu'est-ce qui a pu lui causer ce tourment ? » se demanda Madeleine à haute voix. « Je ne sais, » répondit Cyprien. « Ma mère avait jadis ce genre de trouble, de temps en temps. Faites-la boire, mais surtout pas de café. » « Tenez, avez-vous de la camomille ? Il faut qu'elle dorme pour se remonter. J'ai de la tisane de coquelicot, c'est souverain pour faire dormir les gens. Vous me raccompagnerez et je vous la donnerai. » Cyprien dansait d'un pied sur l'autre, puis, finalement, il se lança. « Vous êtes venu pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, c'est ça ? Nous le savions déjà par le sergent de ville qui est de nos amis. Oui, hélas, je venais demander son aide à Marie. » Mais je vois que c'est plutôt à moi de lui apporter la mienne. Demain, je serai occupé, mais j'aimerais que vous veniez me donner de ces nouvelles dès le matin. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais me remettre. Ne vous occupez pas de moi. Vous avez suffisamment à faire. Il faut que je dorme. Vous avez raison. Vous ne m'avez pas présenté votre amie, Marie ? Demanda Madeleine avec un bon sourire. Je me nomme Cyprien Guirand et je suis menuisier ébéniste, là, juste à côté. Madeleine avait effectivement remarqué qu'un atelier ouvrait ses portes un peu plus bas dans la rue et laissait voir les artisans au travail. « Enchantée, » dit-elle à Cyprien. C'est vrai que le jeune homme, en plus d'être beau, inspirait confiance et sympathie. « Ils vont bien ensemble, » se dit Madeleine. « Vous venez chercher la tisane, Cyprien ? » dit-elle en se dirigeant vers la sortie. Elle prit finalement congé de Marie en lui posant un baiser sur le front et recommanda de venir la prévenir s'il y avait quoi que ce fût. « Ne sois pas long, Cyprien, et fais attention !» lui glissa Marie avant qu'il ne parte. pour éviter les racontars du genre « Eh bien la veuve, elle n'a pas attendu que son mari en fois 10 pour lui trouver un remplaçant. » Madeleine marchait une dizaine de mètres devant Cyprien. Le mistral s'était renforcé et rafraîchi. Le vent rebondissait sur les façades et changeait continuellement de direction. Il vous rappelle le visage, vous remplissant le nez et les yeux de poussière, et quelques secondes après, vous poussez sans prévenir dans le dos en soulevant les jupes des femmes. Madeleine gardait ses deux mains au bas de sa robe pour prévenir tout envol. C'était pénible, énervant et rendait bête et gens à cran. Elle apprécia le calme de l'entrée et mit une grande seconde à retrouver son ouïe. « J'ai toujours eu horreur de ce vent, » se plaignit-elle. « Ça lave le ciel, peut-être, mais ça nous rend tous à moitié fous. »« Ce temps-là, » répond Cyprien, « c'est la mort du charpentier. »« Venez, » lui dit Madeleine en empruntant l'escalier. Cyprien était visiblement très ému de se retrouver seul près de cette femme, dans un endroit clos. Il ne savait quelle contenance adopter. Madeleine le regarda droit dans les yeux en penchant légèrement la tête, comme quelqu'un de curieux qui attend une réaction. De toute évidence, elle s'amusait de l'embarras de Cyprien, pour qui cette situation était intolérable. Finalement, il demanda gauchement « Où est-il ?» Le visage de Madeleine s'assombrit. La récréation était terminée, et elle lui en voulut d'avoir brisé le charme. « Au fond du couloir, là-bas, » montra-t-elle du doigt. « Vous pourriez me dire ce que vous vouliez à Marie? Vous avez parlé d'aide. Oui, je voulais qu'elle m'aide à l'habiller. Mon mari est lourd comme... » Elle allait dire comme un âne mort, et se rendit compte à temps que ces mots étaient inconvenants et irrespectueux pour le défunt. « Enfin, ça ne sera pas une mince affaire, » continua-t-elle. « Demain matin, Madame Cohen viendra m'aider, mais ma deux, je crois que nous aurons du mal. » Cyprien remarqua que Madeleine était soucieuse et un peu désemparée. Il osa proposer son aide. « Je crois être suffisamment fort pour remplacer Marie avantageusement. Je peux venir si vous le voulez. Je pense que Marie n'y verra pas ombrage. »« Pourquoi cette remarque ?» pensa Madeleine. Cyprien avait-il à l'esprit la même préoccupation qu'elle ?« Demain, ils ne seraient pas seuls tous les deux. » Et les convenances et l'honneur seraient saufs. Les convenances, parlons-en, se dit-elle, toujours agir en fonction d'elle, alors que mon mari m'a fait porter des cornes pendant des années. C'était respecter les convenances, ça? Elle secoua ses cheveux comme pour chasser cette réflexion. Pourquoi pas? J'accepte volontiers votre aide. Vers 9 heures, ça ira. Parfait, Madame Morel. Allez, venez, je vais vous donner la tisane. Elle l'amena dans la cuisine, et Cyprien jeta un coup d'œil circulaire à la pièce. Madeleine lui désigna le coin du potager. « Vous voyez, c'est là-dessus qu'il est tombé. Le pauvre s'est fracassé le crâne. » Elle remarqua que c'était la première fois qu'elle avait un mot de compassion pour feu son mari. Elle mit cela sur le compte des choses qu'on dit comme ça, machinalement, sans les penser vraiment. Cyprien continua sur le même registre. « Oui, en plus, avec le poids du corps, c'est malheureux. » « Voilà. » dit-elle en lui donnant le paquet. « Laissez infuser un bon quart d'heure au moins. » Cyprien prit congé de Madeleine en continuant à capter son regard. Une intimité inattendue et insidieuse venait de les enrober dans ses filets. Cyprien n'éprouvait plus ni honte ni timidité. Il osait la regarder sans dissimuler ses sentiments. Après tout, se dit-il, il n'y avait rien de mal. « À demain, » fit-elle avec grâce. « À demain, Madame Morel. » lui répondit-il avec cette fois un vrai sourire.